Apocalypse chapitre 14. Puis je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et il y avait avec lui 144 000 personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel, comme le bruit des grandes eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre, et j'entendis une voix de joueurs de harpe, qui jouaient de leur harpe, et qui chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux, et devant les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique, que les 144 000, qui ont été achetés d'entre ceux de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges, ce sont ceux qui suivent l'agneau quelque part qu'il aille, et ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes pour être des prémices à Dieu et à l'agneau. Et il n'a été trouvé aucune fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, afin d'évangéliser à ceux qui habitent sur la terre, et à toute nation, tribu, langue et peuple, disant à haute voix, « Craignez Dieu, et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines des eaux. » Et un autre ange le suivit, disant, « elle est tombée, Babylone, cette grande cité, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange suivit cela, disant à haute voix, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il en prenne la marque sur son front, ou en ses mains, celui-là aussi boira du vin de la colère de Dieu, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté de feu et de soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment, montera au siècle des siècles, et ceux-là n'auront nul repos, ni jour ni nuit, qui adore la bête et son image, et quiconque prend la marque de son nom. Ici est la patience des saints, ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus. Alors j'entendis une voix du ciel, me disant, écris, bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent au Seigneur, oui pour certains, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. Et je regardai, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, semblable à un homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faucille, et moissonne, car c'est ton heure de moissonner, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sur la nuée, jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est au ciel, ayant aussi une faucille tranchante. Et un autre ange sortit de l'autel, ayant puissance sur le feu, et il cria, jetant un grand cri à celui qui avait la faucille tranchante, disant, jette ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins en sont mûrs. Et l'ange jeta en la terre sa faucille tranchante, et vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange en la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la cité, et de la cuve il sortit du sang, qui allait jusqu'au frein des chevaux dans l'étendue de 1600 stades.